nuages s'en aillent et laisse le soleil me bronzer. Aujourd'hui, je vais être heureux ou pas. La plage noie son vague à l'âme dans une belle eau turquoise. Aujourd'hui, je vais me baigner ou pas. Les fleurs ont explosé à l'aurore, d'autant de couleurs vives et joyeuses. Aujourd'hui, je laisse mes bras nus, ou pas. Des papillons écailles multicolores font l'amour dans l'azur. Aujourd'hui, j'ai envie de t'embrasser, ou pas. Thank you.